Bonsoir Marie-Hélène, 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. On le sait, l'Orient vit des heures tragiques. Le patrimoine mésopotamien subit un iconoclasme aveugle alors que l'ensemble des terrains sont désormais inaccessibles à toute recherche. Certains archéologues européens, prêts à toute conversion, prennent le chemin de Damas. La recherche en ces terres orientales est-elle pour autant stoppée ? Probablement pas. Pour preuve, ce soir, Carbone 14 se penche sur une des grandes aventures intellectuelles de l'humanité, le propre de l'homme, outil sans pareil, l'écriture, l'écriture née au cœur de la Mésopotamie. Pour en parler, Jean-Jacques Glasner, bonjour. Bonjour. Épigraphiste, historien de la Mésopotamie, directeur de recherche émérite au CNRS, professeur à l'École des hautes études en sciences sociales, nous tenterons de voir aujourd'hui les enjeux de votre discipline, de percevoir aussi son devenir. Dans la longue histoire de notre humanité, l'écriture n'aura été inventée qu'à 4 reprises, en des temps et des lieux forcément différents. Oui, si on l'invente 4 fois, ce n'est pas 4 fois dans la même région, mais les premiers qui, pour le moment, dans la chronologie que nous connaissons, les premiers qui ont inventé l'écriture sont les Sumériens, très probablement dans la ville d'Uruk, c'est-à-dire l'extrême sud de l'Irak actuel. Ensuite, très peu de temps après, viennent les Égyptiens. Puis, beaucoup plus tard, au milieu du 2e millénaire, les Chinois. Et enfin, au cours du 1er millénaire avant notre ère, toujours, les Apothèques et les Mayas. Il semblerait que 2 populations parlant à peu près 2 langues très proches, mais différentes, aient inventé et utilisé une première écriture ensemble. À partir de la Mésopotamie s'opère alors un phénomène d'imitation menant vers l'Iran et ses hauts plateaux, mais aussi peut-être vers l'Indus et son écriture qui est encore totalement indéchiffrée. Voilà, alors, dès lors qu'elle existe, tout le monde s'en empare. Et c'est un phénomène assez remarquable et très précieux parce que ça prouve que dans l'inconscient des gens, l'écriture a une signification et une portée universelle. Alors, les Mésopotamiens ayant inventé l'écriture très rapidement, quasiment, on ne peut pas dater des couches archéologiques, mais enfin, dans le même siècle ou dans le siècle suivant, en Iran, la population, dont on ne sait pas comment l'appeler actuellement, puisqu'on n'arrive pas encore à déchiffrer cette vieille écriture que nous appelons proto-élamite, puisque les élamites seront les habitants de l'Iran plus tard, mais peut-être ce sont déjà des élamites, s'inspire de l'écriture mésopotamienne, qui est la voisine. Eux, ils sont dans les montagnes, les autres sont dans la plaine. Et ils ont des échanges commerciaux, par exemple, très nombreux, et aussi probablement des échanges intellectuels. Ils s'inspirent de l'écriture mésopotamienne pour fabriquer ce que l'on appelle l'écriture proto-élamite, qui sera utilisée en Iran d'environ 3250, jusqu'à la fin du 3e millénaire. Et dans la foulée, mais c'est seulement au milieu du 3e millénaire, vers 2500, et pas avant, j'insiste sur le pas avant, qu'en Inde, l'actuel Pakistan, on invente une écriture qui s'appelle l'écriture de l'Indus, puisque c'est dans la vallée de l'Indus. Il y a des liens entre toutes ces écritures, surtout le proto-élamite et l'écriture de l'Indus. J'ajoute une deuxième écriture iranienne aussi, qu'on appelle élamite linéaire, ou proto-élamite 2, par rapport au 1, qui est inventée et utilisée pendant la même période que celle de l'Indus. Et c'est une période remarquable où les échanges commerciaux impliquent et l'Inde, et l'Iran, et la Mésopotamie ensemble. Donc ces échanges conduisent à écrire. Voilà donc 3 écritures. L'écriture en Égypte, on peut dire que le concept d'écriture est venu de Mésopotamie, mais les Égyptiens, vers 3200, 3250, un tout petit peu après l'invention en Mésopotamie, invente une écriture qui leur est propre. C'est tout à fait une invention autochtone qui ne doit rien à la Mésopotamie. Mais le concept est venu de Mésopotamie. Alors nous savons qu'ils avaient des relations très fortes. Et le Moyen-Orient aurait pu influencer même la Chine ? Il est plus difficile de le dire et personnellement je ne le pense pas. La Chine et les, et a fortiori les Mayas et les Apothèques, ce sont des inventions tout à fait autochtones. Ce qui est remarquable dans l'histoire de l'humanité en général, c'est que ces quatre écritures ont les mêmes caractéristiques générales. Je veux dire par là, ce sont les mêmes outils intellectuels qui sont utilisés. Les signes de l'écriture disent tout à la fois des mots entiers ou des syllabes. C'est vrai en Égypte, c'est vrai en Mésopotamie, dès l'origine. C'est vrai en Chine, c'est vrai en Amérique centrale. Donc voilà, le principe est là, il est répété quatre fois, mais dans la mise en pratique, l'écriture égyptienne, l'écriture maya ou l'écriture chinoise et l'écriture sumérienne n'ont aucun rapport et aucun lien dans la façon dont elles sont écrites et dessinées. L'alphabet sera bien entendu bien plus tardif et naîtra sur les rives orientales de la Méditerranée, Jean-Jacques Lasner. Et l'écriture alphabétique commence effectivement, très probablement du côté de Byblos, au début du deuxième millénaire ou à l'extrême fin du troisième millénaire. Les Cananéens ? Les Cananéens, on les appelle souvent les Phéniciens parce que les Grecs ont trouvé l'alphabet cananéen dont ils se sont inspirés pour faire leur propre alphabet. Ceci, ça remonte au 8e, 7e siècle. Et ils appelaient ces Cananéens, ils appelaient les Phéniciens. En réalité, c'est les Cananéens. Les Phéniciens, c'est une, disons que c'est une langue qui s'inscrit dans le registre de l'ensemble des langues cananéennes. L'alphabet latin est-il un aboutissement d'ailleurs de tout ça ? Alors l'alphabet latin est souvent considéré comme un aboutissement de toutes ces écritures pêle-mêle. Mais en fait, on ne peut pas parler d'aboutissement. C'est encore à travers l'étrusque, l'alphabet étrusque et l'alphabet grec, c'est encore une dérivation ultime de l'alphabet cananéen de Byblos. La question des origines de l'écriture est bien entendu capitale. Plusieurs hypothèses ont été pressenties, dont la mémorisation des nombres, le développement de techniques comptables. Pourquoi cette idée a-t-elle été véhiculée pendant plus d'un siècle, hein ? C'est pas seulement plus d'un siècle, c'est beaucoup plus. Et on a considéré que l'homme préhistorique sachant compter, et on sait qu'il savait compter, on a commencé par écrire les nombres et non point le reste. C'est faux en Chine, c'est faux chez les Mayas, c'est faux en Égypte. On a cru que c'était vrai en Mésopotamie, la Mésopotamie étant l'exception qui confirme tout le reste des inventions. En réalité, non. Et il n'y a rien de définitif, si vous voulez, quand même, en Mésopotamie. Les signes qui servent à écrire les nombres sont des signes qui disent des mots. Ils disent les mots, des items ou des choses, des objets qui sont quantifiés, ou des êtres. Ils disent les noms des mesures de grandeur. Donc on ne s'arrête pas à l'écriture du nombre, et de toute façon le nombre abstrait n'existant pas, ce sont toujours des nombres concrets qui ont des noms. C'est-à-dire que c'est déjà une écriture de mots en réalité, et c'est ce qui me paraît important. Maintenant, il y a peu de documents contemporains de la toute première écriture, de l'invention de la première écriture. Là on a fait, y compris encore il y a 17 ou 18 ans dans le livre que j'ai écrit, on utilise des signes d'une manière approximative sur la base d'une paléographie que nous connaissons mal. Et il faut aujourd'hui se contenter des textes trouvés archéologiquement dans des sites, dans des niveaux archéologiques qui sont signifiants et qui sont contemporains de l'invention de l'écriture. Il y a peu de textes. Mais parmi les peu de textes où il y a principalement effectivement des nombres, mais encore une fois, ces nombres disent beaucoup plus que les nombres eux-mêmes, il y a un signe qui est un signe qui est utilisé probablement syllabiquement, donc déjà une syllabe, consonne, voyelle, consonne, et qui accompagne les nombres. Donc on a déjà au moins un signe, voire deux, qui sont représentatifs du registre général des signes. Mais dans le tout petit nombre de textes, de tablettes à notre disposition, on ne peut formuler encore que des hypothèses. Mais enfin, voilà un élément de la discussion et qui peut servir de référence. Ensuite, on découvre que, archéologiquement parlant, il y a une période qui correspond à l'existence, disons, d'une génération humaine, pendant laquelle l'écriture est inventée. L'écriture est inventée à Uruk par des gens membres d'une génération. la génération suivante, c'est-à-dire vers 3003-3002, l'écriture est définitivement et totalement inventée et elle fonctionne. Et elle fonctionne comme un instrument culturel touchant à tout. On a des textes administratifs, on a des textes juridiques, on a des textes savants et on a des textes scolaires. Ce qui est remarquable, c'est que dès l'époque de la génération qui invente l'écriture, c'est-à-dire les inventeurs eux-mêmes, se sont mis à écrire des textes scolaires. Ils ont immédiatement compris la chose essentielle, c'est que leur découverte et leur travail allaient mourir avec eux si on ne l'enseignait pas à des jeunes ou à d'autres. Ils ont immédiatement compris ce fait qui est très important. On parle beaucoup de formation aujourd'hui, mais ils avaient tout de suite compris cette chose importante. Il faut enseigner ce que nous sommes en train de découvrir, et plus que de découvrir, d'inventer. Jean-Jacques Glasner, les plus vieux textes ont été découverts dans la ville d'Uruk, vous en parliez. Il s'agirait donc de documents juridiques. Quel est leur contexte de découverte? Une maison, un édifice, voire un édifice religieux? Alors à Uruk, ce sont des grandes maisons appartenant aux élites sociales dans lesquelles on a trouvé les quelques tablettes qui datent de la période de l'invention de l'écriture. Dans des sites de la vallée de l'Euphrate, on a trouvé des textes dans des maisons privées. Et ce sont généralement, dans la vallée de l'Euphrate, des textes juridiques. À Uruk, on a tous les aspects de ce que l'écriture peut noter, c'est-à-dire tous les aspects de la vie humaine. Il y a beaucoup de textes administratifs et économiques. Mais prenez une ville moyenne de France, mettons la ville de Soissons, 60 ou 70 000 habitants, vous y jetez une bombe à neutrons, ce qui fait que tout être humain est mort, il ne reste que des vestiges matériels. Vous attendez 1000 ans et vous regardez ce qu'il y a comme trace d'écriture. L'essentiel, ce sera l'administration, l'économie, la vie quotidienne. Très peu de documents de la vie intellectuelle par rapport au nombre des documents administratifs. Donc voilà, à Uruk, au 4e millénaire, on a beaucoup de textes administratifs, c'est normal, comme aujourd'hui, et puis on a quelques textes scolaires et quelques textes qui sont des listes de mots, parce qu'à l'époque on écrivait beaucoup en liste de mots, et qui sont des efforts pour classer le monde selon les critères de la forme des signes d'écriture. Et troisièmement, il y a un texte qui est absolument extraordinaire et qui a été travaillé, lu et copié dans les écoles, tenez-vous bien, pendant 1500 ans. Et ce texte n'est pas indifférent. C'est une hypothèse, et c'est une hypothèse, une lecture que j'ai proposée, elle est à discuter, mais le texte a une telle importance, et quand on essaye de le lire d'une façon rationnelle, surtout grâce aux versions les plus récentes, où on comprend mieux, on voit qu'il s'agit d'un texte à la base juridique, à savoir l'institution d'un domaine en hommage à un ancêtre et à son épouse. Ce personnage ancestral que la tradition fera le roi fondateur de la ville d'Uruk, toutes les élites sociales de la ville et de l'État, s'il y a un État, se retrouvent et s'identifient à ce personnage. Donc voilà quelque chose d'énorme. Voilà un personnage autour duquel se structure l'unité de la société urukéenne. C'est remarquable et il a été, c'est pas indifférent, copié pendant 1500 ans dans les écoles de tout l'Orient ancien. Voilà donc un document important qui commence par une phrase écrite en sumérien. C'est-à-dire qu'on a la syntaxe sumérienne apparaît déjà et dès le début. Donc nous sommes bien dans le sumérien et l'écriture de cette époque est une écriture aboutie. C'est pas un espèce de phénomène primitif qui n'a aucun rapport ni avec la langue, ni avec la grammaire, mais qui est structuré par la langue et la grammaire. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Jean-Jacques Glasner, bien avant l'écriture, dès le 10e millénaire, des systèmes mémotechniques existent, par exemple les pierres gravées découvertes sur les rives de l'Euphrate syrien à Jebel Armar. Oui, absolument. Et c'est une découverte importante parce que grâce à ces objets qui portent des images, des dessins, on peut distinguer la pictographie de l'écriture. Depuis, disons, Jean-Jacques Rousseau, pour formuler un terme large, on considérait qu'il y avait d'abord une première écriture faite d'images, à laquelle aurait succédé une deuxième écriture où on associait le son, et une troisième écriture aboutie, c'était l'alphabet, et l'alphabet latin. On sait maintenant, c'est vrai pour l'Égypte, c'est vrai pour la Chine, c'est vrai pour les Mayas et les Apothèques, et c'est vrai pour la Mésopotamie, que la première écriture a déjà toutes les potentialités de l'écriture qui suivra, même si les témoins ne nous montrent pas effectivement leur application partout. Mais on sait qu'elles ont la capacité déjà de réaliser tout ce que l'écriture inventera progressivement avec son usage par la suite. Les plus anciennes écritures mésopotamiennes auraient-elles pu être de la pictographie mémotechnique, donc par essence illisible pour nous ? Ben justement non, puisqu'on commence à les lire. Ceux qui disaient ça, c'est des gens qui ne les avaient jamais regardé de près les textes, et qui donc, même s'il y a encore aujourd'hui des lacunes dans l'intelligence des choses, mais c'est normal à une telle distance et à un tel âge. Mais voilà, nous sommes d'une génération, la mienne et celle qui est en train de venir, qui avons beaucoup travaillé pour renouveler totalement les connaissances qui sont les nôtres, en utilisant beaucoup la numérisation pour les photographies, pour avoir de bonnes photographies de tablettes, l'Internet et les ordinateurs pour faire nos fichiers, nos classements et tout ce que la science requiert. Donc on a aujourd'hui adapté à notre discipline les instruments modernes qui peuvent nous servir. Donc les progrès sont aujourd'hui considérables. L'émergence de l'écriture se produit en Mésopotamie dans un contexte très particulier, la naissance de la ville, mieux l'État. Oui, alors la naissance de la ville, on peut en discuter, puisqu'il y aurait un exemple de mégapole antérieure à Uruk. Uruk est pour le moment la plus grande ville de Mésopotamie connue à cette époque-là, puisqu'elle fait, je crois, 9 kilomètres de pourtour, puisqu'on a une enceinte fortifiée, ce qui fait 9 kilomètres. Mais il y aurait peut-être eu une ville avant. On a trouvé en Iran et en Asie centrale des villes à peu près de même époque qui fonctionnaient sans l'écriture. Pour le moment, disons que l'écriture apparaît et qu'elle est instrumentalisée par les élites sociales. Je parlais tout à l'heure des textes scolaires et des textes savants. Les mots qui classent le monde. Classer le monde, ça veut dire le placer sous la domination de l'homme. Or, ces tablettes sont beaucoup plus importantes que les tablettes économiques et administratives parce qu'elles ont ce qu'on appelle des colophons. C'est-à-dire que le propriétaire met son nom. Et il dit, cette tablette m'appartient, ce qui ajoute encore au prestige qui est le sien. Prestige social et politique qui est le sien. Et il en est tout à fait conscient. Donc ce sont ces textes qui sont importants, et ces textes permettent de se faire une idée des usages principaux de l'écriture, à savoir asseoir son autorité. Ces colophons, ce sont des sortes d'ex-libris. Pourquoi les épigraphistes s'y étaient si peu intéressés ? Ah, ils se sont toujours intéressés aux colophons. Simplement que les colophons de l'époque, dans la destruction quasi totale de tout ce qui existe à l'époque, puisque les tablettes sont toutes venues en fragments, on a conservé très peu de colophons. Mais là, une bonne partie des textes savants porte encore une partie ou entièrement les colophons qui y étaient inscrits. Je rappelle pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14, que nous évoquons l'écriture mésopotamienne avec Jean-Jacques Glasner, directeur de recherche émérite au CNRS. 10% des textes découverts sont lexicographiques et au contenu savant. Vous le dites, Jean-Jacques Glasner, les inventeurs de l'écriture s'emparent de leur création pour classer le monde. Voilà, ils classent le monde et ils écrivent aussi, si l'hypothèse que je formule et la traduction, la compréhension que je fais du texte dont je parlais précédemment est juste, ils ont écrit l'essentiel, ils ont écrit ce qui était tout à fait capital. Et pour préciser ce que je disais tout à l'heure, à la fin de l'époque dite d'Uruk-Hat, c'est-à-dire dans la dernière partie de cette génération qui a inventé l'écriture, les grands immeubles, les habitations privées qui ont été découvertes par les archéologues allemands ont été remaniées. Et l'une d'entre elles regroupe trois bâtiments antérieurement séparés les uns des autres. Et le texte qui parle de l'institution d'un domaine en l'honneur d'un ancêtre, ancêtre considéré comme commun, dans lequel tout le monde se reconnaît comme descendant, ce pourrait être ce bâtiment, la conversion de ce bâtiment, de ces trois bâtiments-là en un seul. Donc là, on aurait, c'est une hypothèse, mais on aurait là la concrétisation dans le réel de quelque chose qui est écrit plus tard. C'est-à-dire à l'époque où ce bâtiment n'est plus en usage. On voit donc ici qu'il y a un rituel, un ensemble de rituels qui est accompli en l'honneur d'un ancêtre, et quand le rituel n'est plus accompli, on le remplace par l'écriture pour le mémoriser. Ce qui est une pratique très bien connue, notamment en Égypte et en Chine. L'écriture pérennise la parole, c'est évident, mais l'écriture est aussi une œuvre démiurgique qui défie la mort ? Mais oui, puisque les textes écrits restent, les paroles circulent et ne restent pas. L'écriture permet aussi à des êtres humains qui sont éloignés l'un de l'autre de communiquer. Et donc c'est vraiment une entreprise, comme vous le dites, démiurgique, qui permet d'aller au-delà de la simple vie humaine et de perpétuer un message ou un ordre politique pendant un certain temps. Est-ce que le classement qui était fait donc sur, par exemple, les choses du réel se fait selon des critères imposés par l'écriture ? En partie. C'est ça qui est intéressant, c'est que les mots sont classés. C'est comme nos dictionnaires, on classe les mots par ordre alphabétique. Alors, à l'époque, on avait beaucoup de critères pour classer les mots, et on utilisait les syllabes constitutives des mots. On regroupait les mots par syllabes constitutives, que soit qu'elles fussent à l'entrée, au début du mot ou à la fin du mot. Ça, c'était variable. Mais une bonne partie des mots sont classés de cette manière-là. Ce qui montre que l'écriture est perçue comme un instrument de savoir, d'abord, et un instrument de pouvoir, ensuite. L'écriture, c'est donc, à vous écouter, c'est l'emprise de l'homme sur ce qu'il ne peut atteindre, par exemple, des listes de dieux, des listes de choses autour du cosmos, de rois. Alors, la première écriture, plus tard, oui. La première écriture, on n'a pas encore beaucoup de traces de Dieu, c'est assez curieux, mais c'est ainsi, mais on a très peu de textes. Je voudrais vous citer un exemple. On a un signe parmi les 600 ou 800 signes qu'ils ont inventés pour écrire tous les mots de leur langue, puisque c'était ça l'objectif. Et on a un signe, par exemple, qui a trois valeurs, trois mots, qui permet d'écrire trois mots différents. L'un des mots, ça signifie l'invisible, l'être invisible. Le deuxième mot signifie un tapis en vannerie. Et le troisième mot signifie le temple. Il n'y a aucune relation entre ces trois significations. Quelle peut-elle être ? Puisque quand un mot, je suis obligé de préciser ce point, les signes d'écriture, par rationalité, désigne chacun des mots, plusieurs mots de la langue. On ne va pas écrire autant de signes qu'il y a de mots dans la langue, c'est impossible. Et généralement, les valeurs d'un signe ont une relation les unes avec les autres. Dans le cas dont je parle ici, il n'y a aucune relation visible, sauf une. Le résumé d'un mythe fondateur du cosmos. Le dieu qu'on appelle l'être invisible, c'est le dieu de Zeldémiurge. Il s'appelle Enlil. Il fabrique une clé en roseau sur laquelle il va construire un temple. Et voilà que l'être invisible, la clé de roseau et le temple vont ensemble. Alors c'est ce signe d'écriture unique avec ces trois valeurs, j'appelle ça un tesson linguistique. Et ce qui est remarquable, c'est que dans la pictographie dont on parlait tout à l'heure, en milieu oral, purement oral, non écrit. On écrivait de sorte d'aide-mémoire à l'aide de dessins qui disaient des moments précis d'un récit ou d'un mythe. C'était fait à travers des dessins. Voilà que des dessins qui servent à écrire résument également un mythe. Et c'est probablement une démarche de l'esprit de synthétiser quelque chose en un signe ou une image qui a fait qu'on a inventé l'écriture, puisqu'on avait déjà l'expérience de synthétiser un mythe à l'aide de deux ou trois images. Jean-Jacques Glasner, reste à savoir comment les Mésopotamiens pensaient-ils, quel était le système de pensée ? Alors, le système de pensée, c'est une herméneutique assez compliquée, qui est fondée principalement sur l'analogie. Et, disons, sur les jeux de mots. Alors, l'analogie, on pourrait en parler longuement. Les jeux de mots, c'est une manière simplifiée de parler d'autre chose, qui est très important. Parce que tous les mots, comme tous les êtres humains, comme tous les animaux, comme tous les étangs, comme tout ce qui existe dans le cosmos, tiennent ensemble. Et les mots sont des intermédiaires qui permettent à tous ces êtres et à tous ces objets et au cosmos de tenir ensemble. Et c'est donc là, cette pensée-là, qui est analogique, qui est à l'origine de ce que nous appelons les jeux de mots, qu'on trouve encore dans les écrits rabbiniques jusqu'au Moyen-Âge. Les Mésopotamiens ont bien sûr l'écriture. Quand commence pour eux, en tout cas, l'histoire ? Eh bien, l'histoire, ils écrivent des textes qui ont trait à l'histoire, mais ils n'ont pas une discipline comme la nôtre qui s'appelle l'histoire. Donc, c'était pas une préoccupation majeure de leur temps. Et l'histoire étant commandée par les dieux qui gouvernaient, l'histoire des hommes, comme dit Bossuet, c'était sous le regard de Dieu, je dirais en Mésopotamie, sous le regard des dieux. Et ils ne se sont pas posé la question du début de l'histoire, sauf certains personnages, certains lettrés, comme les devins, qui ont décidé que l'histoire, certains d'entre eux ont décidé que l'histoire commençait avec ce que l'on appelle l'Empire d'Akkad, ou d'Akkadé, qui a existé dans le deuxième tiers du troisième millénaire avant notre ère, et d'autres, les astrologues, ont considéré que l'histoire commençait avec l'Empire d'Ur, qui a succédé à celui d'Akkadé, à la fin du troisième millénaire. Là, on a des références à des sources, ce que nous aimons faire, nous, c'est-à-dire des textes que nous commentons. Et eux aussi, ils ont eu des textes que nous commentons et qu'ils avaient mémorisés en les copiant pendant des millénaires. Donc là, on peut parler d'une discipline historique qui commence à exister, mais il n'y a pas d'étude de causalité. La causalité ultime, c'est toujours les dieux. C'est le titre de cette émission, Jean-Jacques Glasner. Quel est l'avenir de l'épigraphie française ? Oui, je parlerai de l'épigraphie en général, pour ce qui est de la Mésopotamie, c'est-à-dire l'épigraphie sur tablette cunéiforme, qui vit tant bien que mal depuis un siècle et demi, puisqu'elle n'existait pas auparavant, c'est une jeune science encore, et qui a nécessairement un avenir, parce que, je le disais tout à l'heure, on possède des instruments scientifiques modernes, on a des étudiants bien formés, on a des savants qui sont très remarquables, et on est en train de franchir un pas qualitatif considérable dans la connaissance de la Mésopotamie, dans ses sources sumériennes et babyloniennes ou assyriennes. Donc nous sommes à un moment important du développement de la discipline. Les manques de crédit dans le monde entier, les restrictions, les universités qui ferment les postes font qu'il y a une raréfaction des emplois et donc des chercheurs. Et c'est ensuite, il y a aussi les destructions, l'impossibilité d'aller sur certains terrains, mais ça c'est relatif, puisque pour les spécialistes des textes, il y a tellement de textes dans les musées du monde que n'ont pas encore été étudiés et qu'on peut donc avoir du gros travail. Mais pour vous donner un exemple concret, il existe, m'a-t-on dit, parce que j'ai pas fait la recherche, il y a actuellement sur le monde 45 chercheurs qui lisent les textes. C'est-à-dire, ils sont moins nombreux que le corps de ballet de l'Opéra de Paris. Jean-Jacques Glasner, merci beaucoup. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Jean-Michel Coquille, avec la contribution d'Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page de Carbone 14, sur le site de franceculture.fr, ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, Carbone 14 suivra avec Luc Barret les mercenaires celtes ou galates de Carthage à l'Asie Mineure.